Stephen King aime les jeux télé, Stephen King aime les chasses à l'homme, Stephen King a écrit Running Man et Paul Michael Glazer l'a adapté. À tous et à toutes, et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Bonjour Chris, comment vas-tu? Bah bien, et toi? Ça va bien. On enregistre toujours chez toi, oui. Pour la deuxième fois. Et bon, voilà, on voit la pile diminuer un peu, Il y a des nouveaux titres qui s'ajoutent de temps en temps. Bon, certains qui vont peut-être pas se faire. Oui, mais pour certains, les multiples adaptations des séries, enfin des nouvelles de... Si ça saigne, ça a l'air bien parti déjà. Ouais, bah il y en a une qui est sortie, Mr. Harrigan, oui, voilà. Sorti. Bah là, il y a aussi à coup sûr le nouveau Salem qui est terminé. Ouais, et le nouveau projet sur Hodge, enfin, sur l'univers Hodge, je crois, non? Je crois, oui, mais ça, je sais pas trop où ça en est. La nouvelle adaptation de Christine, il me semble que ça avance bien. Ouais, effectivement. Bah, y a toujours un film, Les Démons du Maïs, qui est terminé, qui a déjà eu une ou deux projections, mais qui n'est pas encore, qui est pas encore de vraie diffusion. Le projet auquel on a... Du coup, c'est marrant, on en profite pour faire un petit résumé des projets. C'est Chantier, je crois qu'on n'a plus trop de nouvelles. Ouais, je crois que c'est au point mort, Chantier, de même que, de ce que j'en sais, hélas, la petite fille qui aimait Tom Gordon. Ouais. Je sais pas où en est le projet de Running Man d'Edgar Wright. Oui. Donc, y a plein de trucs qui sont un peu au point mort. Il y a la série d'Eri sur Gripsou. Ah oui. Ça a l'air bien parti, hélas. Ouais. Et maintenant, on est en train de parler d'une série La Tour Sombre par Flanagan. Oui. Bon. Il y a la série Castle Rock qui continue. Ouais. Ouais, donc... Donc ouais, il y a pas mal de trucs qui sont à différents stades d'avancement et qui vont se faire. Je pense que Netflix va vraiment en faire beaucoup dans les années à venir, moi. Netflix et peut-être d'autres plateformes qui vont se tirer la bourre. Peut-être, vu que les droits sont pas excessivement chers en fait sur King. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne manne pour des trucs à petit budget pour attirer le chaland peut-être. Mmh. Voilà. Alors qu'en général c'est rapide, un chat. Oh là là là là. Allez, en parlant de pause, rapide, il est temps de prendre une pause. Aujourd'hui, nous allons parler de Running Man. Parce que lui aussi, il va vite vu qu'il run, forcément. Il court. Remarque, tu peux courir lentement aussi. Oui, mais bon, c'est que t'es mauvais dans ce cas-là. Bah, si tu participes à ce jeu-là, tu meurs. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Running Man, c'est un livre publié en 82 sous le nom Richard Bachman, en 87, 88 en France. Et le film Running Man. Lui est sorti en 1987. Et donc, je propose qu'on y aille maintenant. Nous allons d'abord parler du roman et nous allons le spoiler. Et nous ferons pareil pour le film ensuite. Eh bien, allons-y. Running Man se passe en 2025. N'oublions pas que c'est un roman qui a été écrit en 82. Le film se passe en 2017. Ouais, c'est ça. Le film est dans notre passé. Enfin, le roman a même été écrit dans les années 70 et publié en 82. Les États-Unis sont devenus une dictature comme à peu près tout le reste du monde, d'après ce qui est supposé, frappés par beaucoup de pauvreté et une pollution très très massive. Et pour détourner l'attention du public, il y a des jeux télé de plus en plus violents qui sont organisés, dont The Running Man, le show vedette dans lequel un homme doit fuir tandis que les autorités essaient de le tuer. Il gagne de l'argent pour chaque heure de survie. Il gagne de l'argent aussi pour chaque flic tué. Et s'il survit un mois entier, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'émission, il gagne $1 million. Et on va suivre Ben Richards, un chômeur depuis un moment qui a une enfant malade et qui a aucune source de revenus potentiel et qui va participer à Running Man pour sauver sa famille en fait. C'est un livre qui, selon King, dans ce qu'il dit dans l'écriture, a été écrit avant Carrie, tout comme Rage et Marche ou Crève. Et je crois que c'est aussi le cas de Blaze, mais à l'époque où il publie Écriture, Mémoire d'un métier, Blaze n'avait pas encore été retrouvé et republié. C'est pour ça qu'il ne le mentionne pas. Mais je crois qu'en fait, les seuls Batman qui ont été écrits après Carrie, c'est Chantier, La peau sur les os et Les régulateurs. La date exacte, selon Bev Vincent, qui a fait pas mal de recherches sur King, ce serait soit la semaine de Noël 71, soit les vacances de février 72. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il l'aurait écrit pendant une période de vacances, parce qu'il avait les enfants sur les bras pendant l'écriture, qui a été extrêmement rapide, même pour du King. Encore une fois, selon la source exacte qu'il donne, c'est soit une semaine, soit 72 heures. Et même si c'est une semaine... Bon, le roman n'est pas interminable, mais ça reste quand même assez impressionnant. Surtout quand t'as des enfants en charge. Ouais, voilà, surtout quand t'as des enfants qui crient autour de toi. Et que tu fais une œuvre où tu dois rester convaincu qu'il faut, il faut les sauver. Voilà. Voilà. Après, il faut de l'avoir tué. Ah oui, peut-être. Du coup. Peut-être que c'est ça qui l'inspirait. Par, dans l'écriture aussi, il dit que c'est une œuvre qui a été écrite par un jeune homme énervé, entre autres par le rejet de Rage, justement, qui avait été rejeté par deux éditeurs à l'époque. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Carrie, donc King était peut-être un peu frustré de voir aucune de ses œuvres acceptées. Et Running Man sera aussi refusé plusieurs fois par des éditeurs qui étaient peu désireux de publier de la SF, et surtout de la SF pessimiste. C'est le dernier livre publié sous le nom de Batman avant que le poteau rose éclate complètement. Alors, techniquement, il n'avait pas totalement été révélé à la publication de La peau sur les os, mais c'est venu très très vite, et donc La peau sur les os a été considéré par tout le monde presque immédiatement comme un roman de King. Mais déjà à l'époque, il y avait eu une interview de King, sous son vrai nom, où on l'avait interrogé sur Richard Bachman, et où il s'était défendu de manière très très active en disant « Non, non, je ne suis pas Richard Bachman, je le connais bien, on a été un peu à la fac ensemble, je vois qui c'est un type un peu bizarre, mais c'est pas moi. » Voilà. Comme chacun sait, je ne suis pas bizarre. C'est ça. 3 ans après la sortie initiale, donc en 85, il y a The Batman Books qui sort, qui est une compilation des 4 premiers romans de Batman, donc Rage, Marche ou Crève, Chantier et Running Man. Et cette fois-ci, The Batman Books, le nom de King apparaît. C'est un recueil qui a été publié 2 fois, en 85, puis de nouveau en 95, et je crois que la version de 95, c'est à ce jour la dernière édition anglaise de Rage. D'accord. Tandis qu'en France, elle date de 97. Dans les deux langues, c'est devenu vérifié. Moi, je l'avais trouvé pour presque rien à l'époque, et c'est un livre qui commence à... C'est pas une fortune, mais il se vend 60-70 euros déjà. Ah ouais, bah, ça coûte. Ouais, ouais. C'est parce que, juste pour Rage, en fait. Oui. Parce que c'est devenu un livre difficile à trouver. Moi, je l'avais trouvé, pareil, un coup de chance dans une petite librairie en format gélu. Ouais. Ouais, bah ça, faut pas s'en séparer de Rage, parce qu'a priori, il va pas devenir moins rare dans les années à venir. Ouais. Et surtout avec tous les phénomènes qui se produisent, et toutes les tueries de masse. Ouais, voilà. Que connaît le pays, quoi. Dans l'introduction de l'édition 1985, King dit aimer le roman parce qu'il se concentre entièrement sur l'histoire, que c'est un roman qui va très vite, qui ne prend pas la peine d'explorer des à côté, de trop creuser la psychologie de manière approfondie, et il l'oppose avec Chantier, que à l'époque il trouvait pas ouf. Je sais pas si son avis a changé depuis, mais c'était un roman dont il était pas fan, Chantier, en 85. Alors que moi je l'aime beaucoup. Dans Écriture, par contre, il juge que le meilleur des 4 premiers Batman, c'est clairement Marche ou Crève, et pas Running Man, et... Je suis plutôt d'accord avec lui, je trouve que Marc Frère est peut-être le plus solide des premiers Batman. Bah du coup j'ai pas lu Chantier, mais effectivement, entre Rage et Running Man, je préfère Marche ou Crève. Et Chantier, je le mets pas loin derrière, mais je préfère quand même un peu Marche ou Crève. C'est un roman étonnamment quand même très apprécié, Running Man, en vérifiant des tops. Je l'ai vu plusieurs fois dans des top 10, alors que j'aurais vraiment pas cru, tu vois. Je pensais pas le voir dans mes flops, mais je pensais que ce serait un livre en milieu de classement, et non, il y a des gens qui adorent The Running Man. Et mentionnons tout de suite, même si nous en reparlerons de manière plus approfondie au sujet du film, qu'il reprend un concept assez proche d'une nouvelle de l'auteur Robert Sheckley, une nouvelle de 20 pages, donc il développe beaucoup plus, qui s'appelle Le Prix du Danger, publié en 1958. Bien des années avant. Voilà, c'est ça. Et je pose ça surtout pour la suite, parce que ça va resservir cette idée-là. Oui. Et donc voilà, nous allons pouvoir donner notre avis sur le roman Running Man. Je t'écoute. C'est un roman, du coup, c'est la deuxième fois, ou troisième fois que je dois le lire. C'est un roman, à chaque fois que je l'ai lu, j'ai trouvé ça très agréable. Bah, ça n'a pas loupé encore une fois, c'est agréable. Effectivement, c'est un roman qui va très vite. Il ne perd pas de temps en détails, en fioritures, et même en développement de personnages au final. Ça va ultra vite. Le personnage a pas mal de péripéties. Il rencontre des gens qui sont, pour une grande partie d'entre eux, plutôt attachants. Tu t'attaches vraiment rapidement à tous ces personnages-là. C'est bien écrit. Et voilà, mais ce qui m'a surtout frappé, c'est le rythme. Le rythme, en fait, du bouquin, c'est il se mange à une vitesse assez hallucinante, quoi. Oui. Et vraiment, il se lit avec énormément de facilité. C'est marrant parce que c'est... Et ça m'était sorti de la tête. C'est un roman où, jusqu'à une partie très avancée du roman, tu es persuadé que le personnage va s'en sortir. C'est-à-dire que, oui, c'est un roman pessimiste, dans le sens où il dépeint un futur pessimiste, mais à aucun moment tu te dis le personnage va crever. Pardon. Oui, enfin, moi, c'est une impression oui. que j'ai eue pendant, jusqu'au moment où il arrive à la fin sur l'aérodrome, où là tu sens que ça commence à sentir cacao pour lui, mais juste toutes les péripéties d'avant. Vraiment, c'est écrit de manière à aucun moment tu te doutes qu'il va y passer. Oui, c'est vrai que c'est plutôt bien ménagé à ce niveau-là. Même si c'est un côté artificiel, les titres de chapitres en compte à rebours, ça permet aussi, je pense, de ménager une forme de suspense. On sait qu'il y a quelque chose qui approche, mais on ne sait pas si ça va être quelque chose de positif ou de négatif. Est-ce que c'est le temps qui lui reste à vivre ou est-ce que c'est le temps qui lui reste à courir ? À ce niveau-là, c'est plutôt intéressant. Oui. Surtout que ça fait des chapitres très courts au final, les chapitres dépassent rarement les 3 pages. Hein. Oui. Et il y en a des plus courts que ça. Et qui tiennent même à peine sur une page. Ouais. Et en effet, il doit y avoir 5 pages pour lancer l'intrigue, pour poser que sa fille est malade et que tout le monde est pauvre autour de lui. Oui. Et après, on est directement dans les premiers tests. Et une fois qu'il se met à courir, bah, assez littéralement, il ne s'arrête jamais de courir, quasiment. Oui, il y a toujours une fuite en avant. C'est, comme la plupart des Bachman, un livre assez cruel. Ouais. Parce que, pour le coup, il perd vraiment tout. Il apprend que sa femme et sa fille, en réalité, sont mortes depuis les premières heures. Que donc, tout ce pourquoi il y allait, en fait, ça servait à rien dès le départ. Il y a beaucoup de personnages aussi qui l'aident, qui, pareil, vont passer l'arme à gauche. Ouais. Parce que l'émission de télé / le gouvernement aura appris qu'ils les ont aidés et donc du coup ils vont y passer. Alors on n'est pas fixé sur ce que devient le premier mec qui l'aide. On sait qu'il doit fuir. Oui, voilà. On sait qu'il a dû fuir. Lui, on n'a pas la confirmation qu'il est mort, même si effectivement on peut le craindre. Mais les autres effectivement ont tendance à y passer. Moi, j'aime beaucoup l'univers, en fait, qui est dépeint. Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est très classique. Oui. Mais ça l'était quand même moins à l'époque. Déjà, tout le côté... émission de télé-réalité. Oui, ça, effectivement... Ça, c'est très avant-gardiste. Bah, mis à part la nouvelle, donc, de Robert Sheckley, oui. Oui, mais qui développe pas tant que ça. Enfin, oui. qui amène la télé-réalité, mais pas de manière aussi construite. Ouais. Parce que là, il y a même une dimension, en fait, où, du coup, le gouvernement a été remplacé par toute cette société du spectacle. Il n'y a plus tellement de gouvernement au sens propre comme on l'entend aujourd'hui, quoi. Ouais, ça fait très 1984 pour le coup, cette association entre un gouvernement qui est devenu, oui, une agence de spectacle pour détourner l'attention. C'est ça, en fait, c'est devenu une entreprise, en fait, tout simplement. Mmh. Ce qui est précisé aussi dans le roman qui est intéressant, c'est que les candidats pour Running Man, en fait, sont choisis parmi les trublions de la société. Ouais. Justement parce que c'est un moyen d'évacuer les éléments qui pourraient se révolter. Hein. Mmh. Là où peut-être je suis pas assez bon en histoire de la SF pour en jurer, hein. C'est fort probable que ça ait déjà été exploré avant, mais je trouve que le traitement de la pollution est plutôt pas mal en fait. Ouais. Avec des villes qui sont à un degré de pollution totalement délirant, avec les gouvernements qui du coup ont eu l'idée pour échapper à ça dans un premier temps de repousser les limites, de dire le seuil de pollution critique il était à un certain stade et quand on a atteint ce stade on a juste poussé le seuil de pollution critique, ce que vient de faire la France en fait par rapport à un truc du réchauffement climatique je crois, mais on vient de faire ça, donc c'était assez crédible en fait. Et le fait que la pollution justement tue du monde est devenu un gros facteur de discrimination puisque les riches ont de quoi s'acheter des masques, des protections, tandis que pas les pauvres, et donc ça élimine les pauvres de manière naturelle entre guillemets. Et il y a cette critique aussi du coup qui est faite envers du coup le capitalisme, parce qu'on nous répète à plusieurs moments que toutes ces choses-là faites pour protéger les gens, en fait ne coûtent rien. En termes de fabrication, oui, les masques, effectivement, oui. En fait, on nous décrit ça comme des espèces de filtres que tu te glisses directement dans le nez, et on te dit clairement que ça coûte 10 balles à produire, quoi. Mmh. Alors que c'est vendu une fortune aux plus riches. Il y a aussi tout ce cynisme un peu paradoxal du spectacle, c'est-à-dire, on l'a mentionné, ils gagnent de l'argent non seulement en fuyant, bon ça est le but de l'émission, mais ils gagnent de l'argent en tuant des flics, oui. Alors que ça permet aussi de le présenter encore plus comme un ennemi, mais donc il y a ce paradoxe en fait, pour gagner le jeu il doit devenir de plus en plus un ennemi, et il y a, on le voit dans les discours du présentateur télé en fait, il y a le paradoxe, ouais super il a gagné 500 dollars, il a tué 5 pauvres policiers qui avaient tous des familles. J'aime bien le cynisme que ça développe, ça. Oui, avec une photo à l'appui des pauvres malheureux, de leurs conjointes et de leurs enfants. Oui, de toutes les familles, ouais. Voilà. Alors que lui, du coup, sur les photos, surtout que sa femme et sa fille qui sont enlaidies. Oui, sur les photos retouchées. Que c'est retouché. Effectivement, pour les faire paraître plus cruelles, plus pauvres, puisqu'elles ne sont vraiment pour pas que le public s'y attache. Mm. Il y a cette thématique propre à beaucoup de récits de science-fiction où une grosse partie des gens qui sont contre ce système sont quand même les pauvres créés par ce système, alors que la caste un peu plus bourgeoise, elle, prend vraiment au pied de la lettre le fait que Richard soit un enfoiré et qu'il faille l'éliminer, quoi. Oui, même si c'est un peu traité le fait que visiblement le principal souci de cette classe c'est qu'elle croit les mensonges qu'on lui raconte et que c'est avec la femme qu'il rencontre vers la fin de son parcours, elle n'est pas méchante en soi. Non, c'est juste qu'elle croit le gouvernement. Contrairement à la classe dirigeante, où là, vraiment, c'est des pourris. Oui. Mais... Donc ouais, c'est un roman qui marche vraiment bien. J'aime bien aussi, qui fait traiter les réalités, pour le coup, l'idée de qu'ils doivent envoyer des cassettes deux fois par jour. Il doit faire s'enregistrer lui-même une dizaine de minutes... et envoyer ça, faire une sorte de journal de bord, en fait. Journal de bord dont très vite il va profiter pour tenter de faire passer des messages sur la vraie situation quand il commence à la découvrir, et où les enregistrements vont être modifiés ou effacés par la chaîne pour lui faire dire des trucs horribles pour qu'il s'attire la haine du public. La haine du public. Et donc lui va glisser des messages... parlant de manière distincte, en articulant bien les mots, oui. En appelant aux gens qui savent lire sur les lèvres à communiquer ce que lui communique dans ses messages. C'est bien pensé, en fait. Ouais, même si ça, c'est plus ou moins sous-entendu que ça échoue aussi, parce que oui. Il modifie l'image. Ce qui modifie l'image. Chose qu'on voit par contre. Sauf qu'on voit aussi dans le film. Oui, pour le coup, qui est bien, un peu différemment, mais qui est reprise dans le film. Mais qui est bien reprise dans le film comme idée. Le traitement d'image, c'est repris. Oui. Mais globalement, oui, c'est un bon roman de SF qui, du coup, par la force des choses, est devenu un roman d'anticipation. Parce qu'il y a quand même énormément de choses où tu te dis, ah oui, effectivement, bah, c'est un peu la société d'aujourd'hui, ou au pire, bah, on y arrive. Et au final, un bon roman de SF, c'est quand il devient, par la force des choses, un roman d'anticipation. Oui, ce qui est un peu terrifiant. Parce que, par définition, le roman d'anticipation, de base, n'est pas un roman d'anticipation, il le devient par la force des choses. Oui, oui, quand ça se réalise, oui. C'est l'un des seuls, en fait, c'est l'un des seuls genres littéraires qui le devient de lui-même, oui, sans le vouloir à la base. Et en fait, c'est ce qui en fait peut-être l'un des genres littéraires les plus terrifiants qui soit. Oui. J'ose espérer que Orwell, malgré son grand talent, quand il a écrit 1984, j'ose espérer qu'il s'imaginait peut-être pas que ça puisse arriver un jour, quoi. Ouais, bah, j'espère pour lui. Ouais. Ou tout du moins pas aussi rapidement. Alors, dans n'importe quelle adaptation qui pourrait être faite de Running Man, à mon avis, la fin, elle sera pas gardée. Disons que ça évoque... Parce que le héros qui envoie un avion dans une tour... Oui. Pour renverser le gouvernement, c'est une imagerie qui, aux États-Unis, va rester un peu craignos pendant un moment, oui, à mon avis. Ça pose problème. Parce qu'il y a tout, hein, il détourne l'avion. Ouais. Il y a une très grosse vibe, 11 septembre, ouais, dans cette fin. Ça, donc, clairement, quelle que soit la fin choisie dans le projet de nouvelle adaptation qui est faite, ça, je suis à peu près certain qu'ils la garderont pas. Après, s'ils gardent l'essence même, ça restera un attentat, donc ça sera quand même une imagerie brutale. Ah oui, oui, voilà. Mais je pense que garder un attentat, c'est peut-être jouable. Et l'avion, garder donc, cette version de l'attentat, oui. Ça me paraît... C'est très ciblé. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun studio qui prendrait ce risque-là. Ouais, c'est encore trop tôt, malheureusement. Oui. Et je pense que ça va l'être pendant de longues années encore. Oui, voilà. Donc oui, c'est un roman qui marche. Ce qui lui manque peut-être par rapport à Marche ou Crève, c'est tout l'aspect traitement de l'épuisement qui est mieux géré, je trouve, dans Marche ou Crève. Puisque là, mis à part sur la fin, le héros semble en pleine forme régulièrement. C'est ça. À la fin, il est vraiment en très piteux état, pour le coup. Oui, parce qu'il s'est pris une balle dans le bide. Il y a les boyaux qui lui ressortent. Enfin, voilà, il va pas bien. À la limite... Sur la fin, ça me fait quand même rire, cette imagerie très outrée du présentateur télé qui voit l'avion arriver vers lui avec Ben Richards qui lui fait des doigts d'honneur depuis le cockpit. Il y a un côté presque punk que je trouve drôle. Il y a un côté sale gosse. Ouais. Dans le délire, dans l'imagerie d'écriture. C'est con. J'aime bien l'image. Quand tu réfléchis, c'est un peu con, mais tu te dis bon. Je pense que t'as pas le temps de voir en réalité quand t'as qui te fonce dessus. Je pense pas. Mais donc voilà, sur le roman, moi c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Oui, moi pareil, c'est un roman. En fait, tu disais tout à l'heure que tu t'attendais surtout chez les gens à ce que ce soit un roman de milieu de classement sans que ce soit un roman de tête de classement. Au final, je pense que chez nous, c'est ce que ça va être. Oui, c'est un roman sympathique. Et voilà. C'est ça. Et tu passes un très bon moment en lisant. Après, tu te relèveras pas la nuit pour en relire. Et clairement, King a écrit mieux que ce soit avant ou après. Mais il a surtout écrit bien pire. Aussi, ouais. Que ce soit avant ou après. Avant, faudrait voir. Je suis pas sûr. Avant. Ah oui, non, c'est bon. Vraiment bien pire, je suis pas sûr. C'est vrai. Quand même assez tôt, hein, 90. Oui, c'est vrai. Après, c'est sûr. Mais... Après, c'est sûr. Je pense qu'il continuera à écrire pire, malheureusement. Oh, bon, on verra. On peut toujours espérer, quand même. Est-ce qu'il y a un projet de Dreamcatcher 2? On ne sait pas. Ah, ça pourrait être bien. Hein. Dreamcatcher 2, il y a peut-être de quoi faire. S'il reprend la drogue, peut-être. Ah oui, ben, on ne lui jette pas, quand même. Ouais. Très bien, ben, je propose qu'on passe au film, dans ce cas. Allons-y. In the year 2017, an innocent man accused of a crime has a choice. Hard time or prime time. Sensational, perfect contestant. I want him. He must pay or play the running man. On your mark. I'll be back. Go! The highest rated TV show in history. Guess they want us to stay. It's a game between life and death. Give you a lift. Arnold Schwarzenegger is the running man. He's playing for a prize. The prize is his life. How about the life? The running man. Alors, The Running Man, on va faire un petit résumé du film, étant donné que l'intrigue va être pas mal différente. Donc, nous suivons Ben Richard, mais qui, cette fois-ci, est un policier militaire qui va, lors d'une mission, refuser de tirer sur une foule non armée qui réclame à manger. Et à cause de ça, il va être envoyé en prison. Il va s'évader grâce à une cellule de résistance et être repris assez rapidement, et on va le forcer à participer au jeu Running Man, qui cette fois-ci est un peu différent, puisqu'il s'agit de traverser une zone en 3 heures, et d'affronter des adversaires qui sont des espèces de gladiateurs recrutés par la production. C'est plus un combat de gladiateurs modernisé, quoi. Voilà, c'est ça. Et punkash. Oui. Ils ont des designs intéressants. Bah, c'est quel le survivant, quoi, un petit peu. C'est quel le survivant, ouais, qui rencontrerait un délire cyberpunk. Le producteur à l'origine du film, c'est George Linder. Alors, j'ai trouvé pas mal d'informations. Cette fois-ci, c'est Moumoun. Alors qu'un autre chat fait ses griffes. Je l'ai accusé Manda, mais non, c'est Moumoun cette fois. Donc le producteur, c'est George Linder, qui est à l'origine. J'ai trouvé pas mal d'informations grâce à une interview diverses interviews même de Steven D'Souza, le scénariste. Et c'est un homme qui n'a rien à voir avec le cinéma à la base, puisqu'il a fait fortune dans les fauteuils roulants pour Jeux Paralympiques. Ah tiens. Voilà. Désireux de se lancer dans le cinéma, mais ce sera son seul crédit majeur, il achète les droits du roman Running Man après l'avoir lu en attendant un avion, sans savoir à ce moment-là que Bachman et King étaient la même personne. Et d'ailleurs, au générique de Running Man, ce sera Bachman qui sera crédité comme auteur, et pas King. Mais le nom de King apparaîtra pas du tout. C'est ce qui les surprendra au moment de négocier les droits, qu'il y ait de telles négociations pour un auteur a priori inconnu, en fait. Donc, ils s'y mettent en duo, là, maintenant. Ils se font les griffes en stéréo. Mais dis donc, c'est fini. Comme il n'y connaît rien au cinéma, George Linder, il va avoir l'intelligence tout de même de s'associer à un producteur du milieu, qui est Rob Cohen. À l'époque, surtout connu comme producteur, il avait été sur The Wiz de Sidney Lumet, Electric Blue de Paul Schrader, et producteur exécutif, avant et après, un peu après Running Man même, sur Les Sorcières d'Eastwick de George Miller. Ah, très bien. Et L'Emprise des Ténèbres de Craven. Ah bah. Très bon aussi. Deux très bons films. Après, il va se lancer dans une carrière de réalisateur qui est peut-être un chouïa moins prestigieuse. Même si bon. Il est quand même. C'est lui qui a fait Daylight avec Stallone, qui est très sympathique. Je partage ton avis sur ce film-là. C'est un bon petit film catastrophe. Ouais, c'est ça. Mais il a aussi fait Fast and Furious, le premier, alors qu'a lancé une saga culte de l'histoire du cinéma, hein, je ne lui retire pas ça. Après, est-ce que c'est un film génial ? Alors, le premier, pas tellement. Ouais, il a vieilli, on va dire. Enfin, c'est pas mauvais, mais bon. Qualitativement, on est d'accord que ça commence surtout à partir du 4-5, quoi. Ouais, c'est ça. Il a fait aussi Triple X, bah, toujours avec Vin Diesel, d'ailleurs. Ça, par contre, c'est très mauvais. Ah. Ouais, faut vraiment débrancher son cerveau et ça passe. Le 2 est très mauvais. Oui. Le 3 aussi, paraît-il. Mais... Ah, c'est vrai qu'il y en a eu un troisième. Ouais. Par contre, il a fait un vraiment très mauvais film, puisque c'est lui qui a fait La Momie, La Tombe de l'Empereur Dragon, donc le troisième La Momie, ouais. Qui est une catastrophe. Il me semble que déjà, t'as pas trop d'affection, toi, pour les deux premiers. Moi, c'est des films que je trouve sympathiques. Non, pas trop, moi, mais voilà, ils ont des qualités. Le 3, vraiment pas. Ouais. En plus, il gâche des Jet Li. Ouais. Ça, c'est... Et puis, il prend la mythologie chinoise totalement par-dessus la jambe. Ah oui, là, enfin, à mon avis, c'est pas ouf non plus, hein, les deux premiers, en termes de mythologie égyptienne et compagnie. Non, mais je trouve... Peut-être un peu plus, quand même. Ouais, ça me semble traiter avec plus de respect. Ouais. Une première version du script avait été écrite par George Linder, selon Steven De Souza, mais c'était pas un scénariste, donc il a écrit en fait un décalque du roman, quelque chose de beaucoup trop littéraire. Et c'est Rob Cohen qui hésitait dans un premier soir entre deux acteurs, au début il songeait à Christopher Reeves, mais qui a été jugé finalement soit pas assez rentable, soit de toute façon il y a eu des conflits d'emploi du temps qui a fait qu'il a pas pu le faire. C'est vrai que Christopher Reeves, j'aurais du mal à citer des rôles célèbres sortis de Superman. Ouais, mais pour le coup, ça aurait pu coller. Ah, ça aurait pu totalement coller, oui. Sur Running Man. Ouais. Il aurait peut-être mieux géré l'aspect, enfin qui n'est pas du tout présent dans le film final, mais il aurait pu gérer peut-être l'aspect homme ordinaire qu'il peut donner à son Clark Kent. Mais c'est finalement Rob Cohen va se fixer dans sa tête sur Schwarzenegger, et c'est comme ça qu'il va en venir à engager le scénariste Steven De Souza, sur conseil de Joel Silver, producteur de 48 heures avec Eddie Murphy, et Commando avec déjà Schwarzenegger, tous les deux scénarisés par De Souza. 48 heures aussi, c'est pas mal. Je l'ai pas vu 48 heures. Les deux, même 48 heures et 48 heures plus tard. Et à la production, il y a aussi Tim Zinnerman et Keith Barish, mais voilà, je vais pas insister sur eux. Donc Steven De Souza, dont on a déjà dit plusieurs fois le nom, c'est quand même un gros nom du scénario de films d'action des années 80-90, souvent avec une certaine dimension comique, puisqu'il était assez spécialiste des one-liners, en fait, de ces répliques percutantes que vont lâcher les héros au moment de triompher de leur adversaire. C'est un truc que j'associe beaucoup à Steven De Souza, de manière générale. Donc on a déjà dit 48 heures avec Eddie Murphy et Nick Nolte, Commando avec Schwarzenegger, et après Running Man, il sera sur les deux premiers Die Hard, Hudson Hawk, Gentleman Cambrioleur, Le Flic de Beverly Hills 3, Street Fighter, Judge Dredd, Piège à Hong Kong, ou Tomb Raider, Le Berceau de la Vie, donc le deuxième film Tomb Raider, qui est encore plus nul que le premier. Oui, film. C'est ça. Au moins le film Street Fighter... des excellentes répliques pour lui. Il a Vandame déjà. Il a Vandame. Bah même, il a le regretté... Raoul Julia. Oui, Raoul Julia. Ouais. Malheureusement pour lui, ce sera son dernier film, mais bon. Ouais, c'est de Raoul Julia, on va peut-être plutôt retenir La Famille Adams. Il faisait un parfait Gomez, quand même. Oui. Là, il est totalement en roue libre sur Bison. Il a l'air de s'amuser, au moins. Oui, par contre, oui. Après, Judge Dredd, moi, c'est un film qui m'amuse. Piège à Hong Kong, le scénario c'est vraiment n'importe quoi, il n'y a rien qui tient la route dans Piège à Hong Kong, mais il est vraiment divertissant, il est vraiment très bien réalisé en fait, Piège à Hong Kong, de Tse Yark. Et le premier Die Hard surtout, c'est peut-être son chef-d'œuvre de toute façon. Il est picaillé. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est son chef-d'œuvre. Premier Die Hard, t'as des répliques extraordinaires toutes les 5 minutes, t'as des répliques quoi. Oui, Bruce Willis a des dialogues fabuleux. Sur 10 000 terroristes dans le monde, je tombe sur celui qui a des pieds plus petits que ma sœur. Quand il vole les pompes, c'est extraordinaire comme réplique. Oui. Et j'étais persuadé du coup qu'il était aussi au scénario de Die Hard 3, mais en fait non. Alors que Die Hard 3 est aussi un peu dans cet esprit-là. Ah, oui. Mais il a rien à voir avec. À part que on sait de Steven De Souza qu'il a été script doctor sur beaucoup de films pour rajouter de l'humour. Donc, et il n'était pas forcément crédité pour ça. Et ça, il n'y a pas de liste de tout ce qu'il a fait qui existe. Donc je pense qu'il y a pas mal de films en fait de cette époque-là, notamment de films d'action, où il est intervenu sans qu'on le sache forcément. Oui. Et dans tous les cas, son style a été beaucoup imité aussi. Il y a peut-être certaines punchlines qui sont de lui alors qu'on n'en est pas sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Steven et De Souza, il reprend le travail totalement à zéro, notamment en apprenant que c'est Schwarzenegger qui va avoir le rôle principal, parce qu'il va se rendre compte dès le départ qu'il ne pouvait pas rester fidèle à King, il ne pouvait pas rester fidèle, en fait, ne serait-ce qu'à l'idée que Ben Richards soit un chômeur pauvre, avec des soucis pour se nourrir, soit un homme de tous les jours. Ça, enfin, tu vois la carrière de Schwarzy à l'époque, effectivement, ça tient pas la route une seule seconde. Oui, et puis tu vois son passé cinématographique de l'époque qui commençait déjà. Oui, oh bah totalement, oui, on en reparlera quand on viendra au casting, mais oui. Donc finalement, il va donner des origines bien plus crédibles à Ben Richards, interprété par Schwarzenegger, avec cette idée de militaire. Mmh. Oui, ça, je veux bien y croire, même si on y reviendra dans nos avis, le début sort un peu de nulle part. Oui. Mais voilà, on en reparlera. Il a plusieurs autres problèmes avec le texte de King qui, selon lui, des choses qui ne seraient pas passées en film. Déjà, il trouvait que la manière dont est décrit le jeu en lui-même et le plateau télé est un peu vieillotte chez King. Il n'arrivait pas à croire à l'idée que le candidat envoie volontairement des cassettes qui donnent sa position. Il trouvait qu'un mois, c'était beaucoup trop long pour marcher en film, qu'il fallait resserrer la durée de la chasse. Et lui, il voulait qu'il y ait des méchants très nettement identifiables, en fait, que ce ne soit pas à peu près tous les flics qui puissent tuer le fuyard, mais qu'il y ait des méchants très caractérisés, très identifiables, pour que le public puisse ne pas les aimer. Et c'est là où il s'est peut-être souvenu d'avoir vu un film français il y a quelques années. C'est peut-être là, ouais. Il s'appellerait Le Prix du Danger, mm-hmm. peut-être. À noter, petite anecdote, Schwarzenegger dit « I'll be back » dans le film, et c'est tout à fait volontaire de la part de Steven De Souza de lui donner un « I'll be back » en référence à Terminator, et il avait fait la même dans Commando. Et bien entendu. Ouais. Donc voilà, il installe vraiment le personnage Schwarzenegger. Tu peux pas faire un actionneur cette année-là avant Schwarzenegger et en placer un. Oui, sans que ce soit volontaire, évidemment. Obligé d'en placer un. Il y a pas mal de réalisateurs qui vont s'enchaîner sur ce film. Le premier à travailler dessus, c'est George Cosmatos, le réalisateur de Rambo 2 et Cobra, aujourd'hui décédé. D'accord. Qui se retire à cause de différents artistiques, largement avant le début du tournage. De ce qu'on sait, il voulait situer l'action entièrement dans un centre commercial, ce qui laisse supposer un propos social assez engagé. Peut-être que lui, c'est plutôt... Zombie qu'il avait vu. Oui. Voilà. Le réalisateur contacté ensuite, c'est un réalisateur allemand appelé Karl Schenkel. Non, réalisateur suisse, mais qui n'a fait que des films en Allemagne à l'époque. Depuis, il a réalisé Face à Face avec Christophe Lambert et Tarzan et la Cité Perdue avec Casper Van Diem, et il est mort. Ensuite, lui, il l'a assez vite refusé apparemment. Ensuite, il y a eu Ferdinand Fairfax, un réalisateur anglais qui a réalisé Les Pirates de l'Île Sauvage avec Tommy Lee Jones, et il est mort. Lui, apparemment, il est allé jusqu'à l'étape du storyboard, mais pas jusqu'au tournage. Et finalement, le réalisateur qui va commencer le tournage, c'est Andrew Davis, le réalisateur à l'époque de Sale temps pour un flic avec Chuck Norris, que je n'ai pas vu. Mais bon... Ça ne me dit rien. Bah, non, je sais pas. Mais apparemment, c'est ce film qui avait poussé à le choisir, donc c'est peut-être un film d'action solide avant que la carrière de Chuck Norris devienne ce qu'elle est devenue. Et par la suite, c'est le réalisateur, c'est surtout pour des films futurs, qui est connu de Piège en haute mer et Le Fugitif, avec Harrison Ford, qui sont deux films que moi, je n'aime pas beaucoup, mais qui, effectivement, sont plutôt connus. Piège en haute mer, c'est un actionneur un peu trop classique. Ouais. Le Fugitif, moi j'aime beaucoup. En fait, j'aime pas Harrison Ford dedans, mais en fait, comme souvent, je trouve que Harrison Ford joue un personnage très antipathique. Et dans le même état d'esprit, j'ai peut-être une préférence pour Wallace Marshall, qui reprend le. Je crois que c'est d'ailleurs le même personnage que Tommy Jones dans les deux. C'est fort possible, ouais. Parce que c'est déjà Tommy Jones qui poursuit. C'est déjà ça, ouais. Et il me semble que c'est le même personnage qui reprend Wallace Marshall. Wallace Marshall, c'est un peu le même pitch. Mmh. C'est un mec qui est en fuite et qui est recherché. Ouais, c'est possible que ce soit le même personnage. À revérifier, là, je suis pas sûr. Ce réalisateur-là, il va commencer le tournage, mais au bout de 2 semaines, il va être viré parce qu'il était très en retard sur la prod et il avait dépassé le budget, donc ça allait pas. Et donc, on appelle un peu en catastrophe Paul Michael Glaser, qui apparemment avait été déjà contacté avant Andrew Davis, mais qui avait refusé, enfin disons qu'il n'aurait pas assez de temps pour se préparer. Bon, là, finalement, on l'appelle littéralement en fin de semaine pour commencer le lundi. Hein. Ça s'est passé comme ça, ils n'ont pas interrompu le tournage, en fait. Il n'avait jamais travaillé sur d'aussi gros films, il venait plutôt de la télé, donc j'imagine que ce qui a poussé à le choisir, c'est qu'on imaginait qu'il était capable de tourner vite. Voilà. Bon, Paul Michael Glaser, en fait, c'est pas en tant que réalisateur qu'on le retient le plus. Nous, c'est parce que c'est Starsky, en fait. Non, Starsky et Hutch. Ah, mais d'accord. Voilà. Dans la vieille série télé. Ouais, c'est ça. Et donc, il fait un caméo dans le film avec Owen Wilson. Enfin, moi, Starsky et Hutch, c'est tout ce que j'en connais, en fait. J'ai juste vu le film, j'ai jamais regardé la série. C'est pas terrible, le film. Oui, bah disons que j'ai de la sympathie pour Owen Wilson, donc je passe un plutôt bon moment dedans, mais effectivement c'est vraiment pas ouf. Il réalise quelques films sur la période 86-96, Running Man c'est le deuxième qu'il fait, et à côté de ça il a fait Le Feu sur la Glace et Un Joueur à la Hauteur, qui sont apparemment deux drames sportifs qui tiennent bien la route, et Kazam, une comédie fantastique. Et aujourd'hui, il réalise et joue dans des séries télé quasiment uniquement, et surtout en tant que réalisateur. Il est plus actif en tant que réalisateur. Et ça a l'air d'être quelqu'un d'assez multitâche, puisqu'il a fait une expo de ses peintures et créations picturales en 2018. D'accord. Voilà. Il est multitâche, au moins. On va en venir au casting, en commençant évidemment par Schwarzenegger, mais bon, Schwarzenegger, je vais pas vous faire l'affront de vous dire qui est Arnold Schwarzenegger. Juste pour resituer, à l'époque, c'était déjà une très grosse star, parce qu'il y avait déjà eu les Conan, il y avait eu Terminator, il y avait eu Commando. Seulement le premier Terminator? Oui, que le premier à l'époque. Le deuxième, c'est en 91 ou 92. Mais c'était déjà suffisant niveau fame. Hein. Et la même année que Running Man, il y a Predator. Que des films mythes, en fait, ces films ultra cultes, ils sont surtout avant Running Man, même si après, il y a Terminator 2 et Total Recall, en fait. Et qui est devenu culte sur le long terme, mais Last Action Hero. Mais au moment de la sortie, ça c'est plutôt un bide. Last Action Hero, pas bon. Alors que moi, c'est vraiment un de mes Schwarzenegger préférés. Il me semble qu'il y a eu pas mal de gros films qui sortaient en même temps. Oh bah à l'époque... Ça se bousculait. Hein. Oui, c'est ça. Déjà, il y avait la concurrence avec Stallone, donc il y avait peut-être des trucs autour de Stallone aussi. Il y avait Bruce Willis aussi. Il y a un clin d'œil dans Last Action Hero entre la dualité Stallone et Schwarzenegger. Oui, effectivement, s'il arrive dans un monde où Terminator, c'est Stallone. Oui, c'est drôle ça. T'as une affiche, une TV dans un vidéo. Oui, c'est, de toute façon, Last Action Hero est très très bon. C'est vraiment un film à voir. On a beaucoup parlé de McTiernan d'ailleurs, entre les Die Hard, ouais. Last Action Hero, Predator. Tant voilà. Le rôle féminin principal du film Amber, donc, qui est une compositrice pour les studios, qui va se rendre compte que tout ça pue pas mal, en fait. Bah, c'est plus ou moins une extension du rôle de la bourgeoise que Ben Richards prend en otage dans le roman. Sauf qu'elle intervient dès le début du film. Voilà, c'est ça. Elle est jouée par Maria Conchita Alonso, une chanteuse et actrice assez active, même si Running Man, c'est pas loin d'être ses débuts au cinéma. Elle avait joué quand même dans Moscou à New York avec Robin Williams, que je n'ai pas vu, mais ça a l'air cool, en fait. Apparemment, c'est un russe, donc joué par Robin Williams, qui va se retrouver aux États-Unis, je sais pas trop pourquoi, et qui va décider d'y rester. Donc ça me tente un peu. Et elle joue aussi, j'en avais parlé vite fait, dans Touch and Go avec Michael Keaton, qui est un peu nul, mais le casting est cool. Et par la suite, elle sera dans Predator 2, dans La Maison des Esprits, dans Le Baiser du Vampire avec Nicolas Cage, et plus récemment dans Lords of Salem, et dans une adaptation modernisée à Hollywood de Richard III de Shakespeare. Ce que je trouve assez intéressant dans Running Man, et qu'on peut signaler tout de suite, c'est que déjà à l'époque et encore un peu maintenant, c'est assez rare d'avoir des actrices sud-américaines, enfin, qui ne sont pas, où le rôle n'a pas du tout de référence à, oui, à leur origine. Et c'est plutôt rafraîchissant à voir, je trouve. Oui, clairement. Le présentateur télé, Damon Killian, il est joué par Richard Dawson. Alors nous, on va le connaître principalement, enfin nous, je dis peut-être un peu notre génération, mais surtout celle d'avant nous, en fait, parce qu'il a un rôle important dans Papa Schultz. Moi, ça me faisait rire quand ça passait à la télé, mais est-ce qu'encore beaucoup de gens regardent Papa Schultz ? Je ne pense pas. J'en suis pas persuadé. Je pense que ça a pris un gros coup de vieux. Ouais. Surtout sur tout ce qui est message autour du sexisme. Bah, est-ce qu'il y a des personnages féminins dans Papa Schultz ? Bah, il me semble que dès qu'il peut palper une paire de fesses, il le fait, non ? Du moins, il essaye. Je sais pas, vu que ça se passe dans un camp de prisonniers, j'ai pas de souvenir. Donc. Ouais, y a pas un petit. C'est possible, hein, mais je regardais ça, j'avais genre 8 ans, donc j'ai dû effacer beaucoup de trucs, effectivement. C'est possible. Après, c'était une série où les nazis étaient les méchants. Aujourd'hui, c'est plus autant une évidence pour plein de gens. Malheureusement. Finalement. Mais aux États-Unis, il est aussi connu parce qu'il a été pendant plus de 10 ans présentateur de Family Feud. C'est en fait une famille en or. Voilà, et en fait, à l'époque où de Running Man en 86, il venait de se retirer, ou alors il allait tout juste se retirer de Family Feud. Donc il est presque dans son rôle au final. Et visiblement, il a beaucoup improvisé sur le plateau, ce qui a contraint Steven et De Souza à se rendre sur le plateau pour lui dire de se calmer, parce qu'en fait c'était ingérable, il rajoutait des pages et des pages de texte, donc ça aurait été ingérable au montage. Il était à donf, quoi. Voilà, c'est ça. Il faisait poireauter Schwarzenegger pendant qu'il déballait son truc, ses blagues, il blaguait avec le public, il faisait venir des figurants sur scène. Enfin, il était à fond dans son rôle de présentateur d'une famille en or, en fait. Parmi les membres de la résistance qui accompagnent Ben, il y a Yafet Koto peut-être, qui joue William Lolling. Lui, c'est le méchant principal, donc un dictateur méchant, dans Vivre et laisser mourir, sorti un peu plus tôt. J'ai pas de souvenir marqué de Vivre et laisser mourir, à part que c'était plutôt nul. Oui, voilà. Mais bon, je suis pas objectif, j'aime pas la période Roger Moore. Et c'est l'ingénieur Parker dans Alien. Ah, mais oui, en fait. Voilà. Donc ça, par contre, c'est cool. Oui. Par la suite, il joue un agent du FBI qui poursuit les héros dans Midnight Run, qui est un très sympathique buddy movie avec Robert De Niro. Que je n'ai toujours pas vu, alors que tu me l'as conseillé, ouais, il y a de nombreux mois. Et une excellente musique de Danny Elfman. Il joue un docteur dans La fin de Freddy, donc Freddy 6. Là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé les Freddy. Le 6, il est dur, quand même. Et il aura un rôle récurrent dans la série Homicide. Avant de prendre sa retraite, il est mort le 15 mars 2021. Après avoir eu une période politique particulière, puisqu'il soutenait à la fois Donald Trump, QAnon et Black Lives Matter. Voilà. Ah oui, c'est contradictoire tout ça. Voilà, c'est ça, c'est paye ta cohérence politique. D'ailleurs, on n'a pas signalé à propos de Jean Sénégard qu'il a été gouverneur de la Californie. Hein. Faut pas oublier ça, faut pas oublier ce miracle, et que lui par contre il est anti-Trump alors qu'il était républicain. L'autre membre de la résistance qui va se retrouver dans l'émission Ben Richards, c'est Harold, enfin son nom c'est Harold Weiss, et il est joué par Marvin G. McIntyre, qui n'a pas une grosse carrière en dehors de ça. Il a des rôles secondaires dans des films comme Short Circuits, Retour vers le futur 3 ou Pale Rider, mais il est jamais en avant. Hein. Circuit, c'est l'une de mes Madeleine de Proust de jeunesse. Faut que je le revoie. C'est bien le film avec le petit robot, là. Bah, je crois, ouais. Avec le robot dont, clairement, Pixar s'est inspiré pour Wall-E. Ouais, non, mais je crois que c'est ça, ouais. C'est une de mes Madeleine de Proust. Parce que j'ai pu le regarder quand j'étais gamin. Tu es un des flics qui ont fait enfermer mes amis et brûler toutes mes chansons. Vous avez transformé ce pays en une grande prison. Il n'est pas question de le descendre. C'est un flic. C'est le boucher de Bakersfield. Écoute, Mick. Il faut savoir faire la part des choses. C'est leur propagande. Nous, on sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne serait pas là s'ils ne nous avaient pas aidés. Moi, ce que je sais, c'est qu'il n'est pas un des nôtres. Seulement maintenant, il en a peut-être trop vu. J'en ai trop vu, hein. Tout ce que je vois, c'est une bande d'intellectuels de pacotille qui croient qu'ils vont tout changer avec des rêves et des discours. Maintenant, c'est trop tard. Si vous n'êtes pas prêt à passer aux actes, épargnez-moi vos salades et fermez-la. Ce serait quand même trop bête de perdre la tête pour un rien, non ? Ça, tu l'as dit. On peut citer aussi le vétéran de la Résistance, Mick, qui est joué par Mick Fleetwood du groupe Fleetwood Mac. D'accord. Qui est un très bon groupe, dont la... une des membres, Christy McVie, une des chanteuses, vient de mourir. Voilà, c'est un très bon groupe, Fleetwood Mac, que je vous conseille. Et enfin, on va en venir aux adversaires. Alors là, ça sent bon les années 80, les adversaires de... de Schwarzenegger dans ce film-là. Rien qu'au niveau des noms. Le professeur Sub-Zero, il est joué par le professeur Toru Tanaka, catcheur professionnel, qui a fait quelques apparitions mineures dans des films en tant que gros bras. Et on n'a pas de preuves officielles, mais Sub-Zero de Mortal Kombat, hein, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas une inspiration de ça quand même. Ah, oui. Pour le nom au moins. Je me dis qu'ils ont vu Running Man et puis... Mais j'ai pas trouvé de déclaration officielle disant que ça vient de là. Après, de quand date le premier jeu Mortal Kombat ? Oh bah plus tard que 86 en tout cas, que 86-87. C'est le premier jeu de Mortal Kombat, ils se sont fait dès le premier, c'était les techniques de... comment ça s'appelait Les Fatality. Non, au niveau de la manière dont c'était des images, pas de la rotoscopie. Des acteurs digitalisés. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc en 87, à mon avis, les consoles, elles géraient pas ça. Hein. Non. Donc, je dirais début 90, le premier Mortal Kombat. Mais c'est pas une saga dont je suis très fan, donc je suis pas très fixé. Dynamo, il est joué par Erland von Litz des Krude. Donc un Allemand. Ah, tiens. Qui, à côté de ça, faisait du catch et était chanteur d'opéra. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? C'est pour ça que son personnage chante de l'opéra, d'ailleurs, dans le film. Ça paraît n'avoir aucun sens, et ça n'en a aucun, mais c'était vrai. Et il est mort très peu de temps après la fin du tournage, donc il n'a pas fait beaucoup d'autres choses au cinéma à côté. Vraiment, il est mort 3-4 mois après la fin du tournage. Buzz Saw, il est joué par Gus Reswish, qui n'a pas fait grand-chose d'autre. Fireball est joué par Jim Brown, qui, lui, dans les années 60, a eu une carrière à gros succès en tant que joueur de football américain parmi les Browns de Cleveland. Apparemment, c'est un joueur considéré comme légendaire. Bon, il se trouve que j'y connais rien en football américain, donc je suis obligé de faire confiance, mais voilà. Et il est devenu acteur par la suite avec tout autant de succès. Il est dans Les 12 salopards et pas mal de films d'action et de blaxploitation des années 70, c'est une figure assez importante de la blaxploitation en fait. Il est dans des films comme le western El Condor, donc un western avec un héros noir à l'époque, vraiment ça devait pas être Légion. Dans L'Exécuteur Noir aussi, et dans des rôles secondaires, il est dans Mélodie pour un tueur, et beaucoup plus tard, il est dans Mars Attack, il joue le vigile boxeur au casino, et dans He Got Game de Spike Lee. Donc une carrière d'acteur clairement à succès. Et enfin, le Capitaine Freedom, le dernier ennemi, est joué par Jace Ventura, catcheur professionnel qui commençait sa carrière d'acteur cette année-là et qui est aussi dans Predator. Donc un début de carrière cinéma plutôt solide, hein, on va pas se mentir. Après, on va pas se mentir, ce sera pas aussi glorieux. Il aura un rôle principal dans Abraxas, gardien de l'univers. Et sinon, c'est surtout les rôles secondaires dans Ricochet avec Denzel Washington, aussi scénarisé par D'Souza d'ailleurs. Très sympa, celui-là. Je ne l'ai pas vu. Et il est aussi dans Demolition Man et dans un rôle très secondaire dans Batman et Robin. D'accord. Donc voilà, mais dans c'est... Dans lequel on retrouve Schwarzenegger. Aussi, ouais. Et lui s'est lancé aussi dans une carrière de politicien, et c'est donc le deuxième acteur à être devenu gouverneur dans ce film-là. Lui du Minnesota, sans être affilié ni aux démocrates ni aux républicains. Et pareil, sa position politique, elle est surprenante, parce que dans son discours, il y a un gros fond de populisme et de complotisme un peu chelou. Ouais. Mais à côté de ça, ça a été un défenseur visiblement plutôt récurrent des droits LGBT et de l'avortement. Donc ça a l'air d'être une sorte de populisme un peu de gauche assez chelou. Voilà. D'accord. Ah, il a eu une carrière dont j'ai pas parlé en tant que détective pour Chien et Chat, évidemment. Jason Turin. Ah, oui. Voilà, c'est... Fallait la faire, je pense. Oui. Donc pour le casting, on va s'arrêter là. Le directeur photo, c'est Thomas Delrous, directeur photo de Breakfast Club, par exemple. D'un justicier dans la ville 2, Allô maman, ici bébé, Allô maman, c'est encore moi, et de manière très récurrente de la série À la Maison Blanche. Je pense qu'on va retenir surtout ça et Breakfast Club. Je pense que le reste, on va. Un grand écart ouais. De genre, de diversité. Bon, on peut mentionner aussi la chorégraphe, vu qu'il y a des danseuses en fait sur le plateau, qui est Paula Abdoul et qui est une chanteuse et chorégraphe qui à l'époque travaillait avec des personnes majeures. Elle avait travaillé avec Janet Jackson et le clan Jackson en général, les Pointing Sisters, Toto, Duran Duran. Oui. Voilà, et elle a eu une carrière de chanteuse assez fulgurante et assez courte, mais avec plein de singles. Voilà. Donc à l'époque, c'était plutôt une star, même si clairement elle est un peu oubliée aujourd'hui pour la Abdoul. Hein. Ok. Dans ses interviews, De Souza raconte qu'il y a des équipes d'effets spéciaux qui étaient venues les voir au cours de la production en parlant d'une nouvelle technologie qui permettait de faire du face swap et donc de mettre le visage d'un acteur sur un autre et notamment sur un cascadeur. Et donc c'est ça qui a donné l'idée de tout ce rebondissement de fin autour de ça, dans lequel les studios télé décident de faire une fausse mort pour Carmen et Ben Richards, pour pouvoir les exécuter de manière pas très fair-play derrière. Ils font croire que c'est le capitaine qui les a tués. Ouais. Apparemment, c'est une idée qui est un rebondissement qui a été inspiré par un rebondissement du film L'Arnaque, un des premiers scénarios suivis par Rob Cohen. C'est rigolo, la boucle. D'accord. Sacré. Les superviseurs des effets spéciaux, il y en a deux, il y a Lawrence Cavanaugh et Bruce Stenheimer, et ils ont régulièrement travaillé ensemble sur Dangereusement Vôtre et Permis de Tuer, par exemple. Donc Permis de Tuer qui est un très bon Bond, par contre. Sur Dick Tracy, et de manière assez cohérente avec leur spécialité dans le face swap, sur Mission Impossible 2 et Volte-Face. Bah, qui sont deux films tourne beaucoup autour de ça, forcément. Oui. Lawrence Cavanaugh, il est mort, peu après Mission Impossible 2, donc c'est le dernier film de sa carrière. Par contre, l'autre est encore actif aujourd'hui, il a travaillé par exemple sur les premiers John Wick et sur Thor Ragnarok, ou La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon, mais aussi plusieurs films de Scorsese. Ah, merci. Voilà. Ouais, effectivement, Thor Ragnarok et la tombe de l'Empereur Dragon, au niveau effets spéciaux, on peut pas dire que ce soit la gloire. Les John Wick, c'est pas ce que je leur reprocherais le plus. Non, clairement pas. Venons-en maintenant à la musique, composée par Harold Faltermeyer, un compositeur allemand qui a commencé comme assistant de Giorgio Moroder. Donc, il est par exemple dans l'équipe de Moroder sur les BO de Midnight Express ou American Gigolo. Donc Moroder, pour le placer, c'est un peu le dieu des synthés à l'époque. Hein. Oui. Voilà. Il a aussi produit des chansons pour Moroder, son album E égale MC2, je crois, pour Donna Summers, Bonnie Tyler, et Amanda Lear. Ah bon. Voilà, qui a une carrière de chanteuse. Et alors, je connais pas l'album sur lequel Faltermeyer a travaillé, mais il y a des albums qui sont pas mal d'Amanda Lear, en vrai. Voilà. Et il a produit aussi un album des Sparks, l'album Terminal Jive, et les Sparks, c'est trop cool. Oui. En tant que compositeur de musique de film, on sent l'héritage Moroder. Hein. C'est du synthé à fond, du bon synthé des années 80. Il a fait des trucs connus, parce que c'est lui qui a fait Top Gun, par exemple, comme BO. Ah oui. Alors Take My Breath Away, c'est pas lui, ça c'est Moroder justement et Berlin, mais le thème principal de Top Gun est aussi assez connu, et là il est de Faltermeyer. Son thème le plus connu, c'est celui du flic de Beverly Hills, qui est ultra culte. Bon, qui a été réutilisé pour Crazy Frog, je sais pas si. Est-ce que j'ai vraiment envie de le rappeler ça? Bah, du coup, je sais pas si Faltermeyer a eu un bilan positif ou négatif au final, rien qu'à cause de ça. Et moi, j'aime bien la BO de Running Man. C'est du gros synthé qui tâche, qui a des sons très cool, des vieilles boîtes à rythme. Peut-être que les pistes d'ambiance fonctionnent un peu moins, et dans tous les cas, c'est très daté, mais je trouve ça vraiment cool. Et ça fonctionne plutôt bien en dehors du film. Il y a une musique, enfin, il y a une piste qui, vraiment. Alors, du coup, c'est la musique que je vais citer qui rappelle Running Man, puisque c'est des années après. Il y a une piste qui fait vraiment penser à une ambiance que tu pourrais trouver dans les bureaux de la Shinra de FF7. Ah oui, je pense que je vois de quoi tu parles. Ouais. C'est une piste qui intervient au tout début de film, ouais. Quand il va dans les, bah, quand il va justement chez la dame là, qui l'aide après. Mm-hmm. Il y a une ambiance musicale à ce moment-là, ça fait très Shinra de FF7. En même temps, il y a le même type de société. Puis d'ici que ce genre de truc fasse partie des inspirations d'Uematsu, qui était très inspiration pop des années 80, c'est pas totalement impossible. Hein. Mais c'est rigolo, ouais, comme lien. Je l'avais pas fait, mais je suis assez d'accord. Et il y a une piste qui a été composée par Jackie Jackson et Glenn Barbie. Voilà, donc Jackie Jackson des Jackson 5, oui. Donc. Je sais pas ce qu'ils sont venus faire là-dedans, à part peut-être à cause de la présence de Paula Abdul, mais ils sont pas y passés par là, ils ont fait une piste. Ils ont pris un chèque. Écoute, voilà. Le film sort sur le territoire américain le 13 novembre 1987. C'est un succès modéré au box-office, puisqu'il rapporte 38 millions sur le sol américain pour un budget de 27. En France, il fera 800 000 entrées, ce qui, pour l'époque, est pas ouf pour un film avec Schwarzenegger, puisque la grosse majorité dépassait allègrement le million. Ouais. King lui-même n'est pas du tout fan du film, puisqu'il le trouve bien trop éloigné du livre à son goût, et bon, on peut pas lui retirer quand même. Et Schwarzenegger, pareil, n'en est pas fan dans son autobiographie, alors que j'ai pas pu consulter, mais il dit que, en fait, il trouve que le travail de Michael Glazer sur le film est pas très bon, qu'en fait il a dû travailler trop vite, que ça donne un résultat très télévisuel, avec un univers futuriste qui n'a pas pu être bien développé. Donc voilà, en fait, apparemment, la décision de prendre Paul Michael Glazer a été prise un peu derrière le dos de Schwarzenegger, et lui, il n'est pas tellement pour. L'accueil critique de l'époque est mitigé. Aujourd'hui, ça a 67% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 14e à égalité avec Vengeance Diabolique entre Christine et Cujo. Et 2,7 étoiles sur Allociné, ce qui le place 26e à égalité avec Cujo, Les Démons du Maïs 4, Firestarter sous l'emprise du feu, qu'est-ce que ce truc fait aussi haut, Le Rapace Nocturne et Vengeance Diabolique. Et il a bénéficié d'une ressortie en Blu-ray Collector aux États-Unis il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas pu me le procurer parce que c'était un peu cher quand même pour ce que c'était. J'aime plutôt bien Running Man, mais il faut peut-être pas déconner. Parce que là, en plus, c'était même pas que Blu-ray, c'était 4K. Ouais, c'est 4K. Ouais, c'est... L'édition a l'air belle, hein, ça, on peut pas le retirer. C'était pourquoi? Pour les 30 ans du film, je crois. 25. 25. Ouais, 87. Ah, bah oui, 37. Ah, 35. Non, 35. 35. Bon, oui, ça, si ça va, on est pas 10 ans près. Ouais. Moi, j'étais 40 ans. Hein. Ouais. Je pense qu'entre le fait que ce soit une adaptation de King et le fait qu'il y ait Schwarzenegger dedans, effectivement, c'est un film qui doit faire partie de l'enfance de pas mal de monde, en fait. Peut-être d'où son aspect un peu culte. Oui, il a un côté doudou pour beaucoup de personnes. Ouais, voilà, c'est ça. Et un remake donc de Running Man, comme on l'a dit, sera en préparation avec Edgar Wright à la réalisation, et là, pour le coup, je serais très curieux de voir ça. Ah oui, clairement. À vous voir, mais on dirait que vous aussi, vous avez été traqueur, hein? Alors, Edith, j'aimerais que ce soit vous qui nous donniez le nom du traqueur que vous avez envoyé pour courir après ces trois dangereux criminels. Envoyez le décompte, vous avez 10 secondes. Allez. Allez, allez, les paris sont dégagés, allez, vite, vite, vite, allez, on n'hésite pas, vous y allez, deux contre un, allez, allez-y, voilà, vite, deux contre un, voilà, c'est ça, dépêchez-vous. C'est terminé. Les paris sont clos, allez, c'est qui, reculez, oh! reculer. Allez. Au hasard. Mon mari et mon petit ami, ils ont leur préféré, mais moi, je les préfère plutôt grands et canards. Alors, lequel est-ce? Sub-Zéro. C'est fantastique, bravo. Nous allons appeler Sub-Zéro. Maintenant, il est temps de revenir sur un gros morceau de l'histoire de Running Man qui va nécessiter de reparler du prix du danger. Donc, comme on l'a dit, la nouvelle de Robert Sheckley, Le prix du danger, a été écrite en 1958. Elle était déjà connue à l'époque où Stephen King écrit et publie Running Man en 1982. Mais en 1983, il y a une adaptation en film du prix du danger qui va sortir, une adaptation française, appelée Le prix du danger aussi, réalisée par Yves Boisset avec Gérard Lanvin dans le rôle du personnage principal et Michel Piccoli dans le rôle du présentateur télé. Et donc, la nouvelle d'origine fait 20 pages et se concentre sur les dernières heures du parti. Et forcément, Yves Boisset va devoir rajouter pas mal de trucs. On voit toute une partie du jeu. Il amène l'idée que les tueurs, il y en a que quelques-uns, il y en a 5 aussi d'ailleurs dans le prix du danger. Et c'est, on va dire, c'est des semi-amateurs. Ils sont choisis par la production, mais c'est pas des tueurs de profession. C'est des kidam qui veulent se faire un trip en tuant quelqu'un, en fait. Ce qui est une des dimensions intéressantes du film d'ailleurs. Et donc ça, il y a déjà l'idée d'antagoniste très identifiable. Il reprend à la nouvelle de Robert Sheckley l'idée des bons samaritains truqués, c'est-à-dire de gens qui vont aider le héros mais qui en vrai sont payés par la prod. Ça, effectivement, c'est présent que dans cette version du film. La fin est... On va dire qu'il y a des similitudes dans la fin, puisque dans la nouvelle, en fait, il arrive au bout de son temps, le héros, mais il meurt d'épuisement, et donc il y a le présentateur qui essaie de dire « Ouais, il va aller mieux pour sauver les meubles ». Dans le film d'Yves Boisset, en se rendant compte qu'il y a triche et en se rendant compte qu'il existe un peu une résistance, le personnage principal, qui pour l'instant était pas mal dans le système, va se rebeller et vouloir déclarer la vérité sur le plateau, et on va le faire passer pour fou. Et donc il va être emporté à l'asile avec une victoire complète du jeu télé qui annonce toujours plus de violence. Et le dernier point commun entre la nouvelle et le film Le prix du danger, c'est l'idée en fait d'escalade de violence dans les jeux télé, où il y a des jeux télé à bas, enfin pour peu de monde, qui sont vus par pas grand monde et qui sont, enfin où on prend entre guillemets pas trop de risques mais qui rapportent pas grand chose pour arriver jusqu'au prix du danger. Oui, et ça c'est présent dans la nouvelle et dans le roman. Oui, voilà ce qu'on dit. Avec le moulin des Je crois que c'est ça qui s'appelle. Oui, celui avec les. Ils mettent des cardiaques qui vont courir sur un. Dans une roue de hamster. Oui, voilà. En répondant à des questions jusqu'à faire une crise cardiaque. C'est ça. C'est un peu drôle en fait. Et le film, autre similitude assez importante avec Running Man, présente un plateau télé avec des danseuses, des pubs et un présentateur fébrile et très joyeux qui est vraiment très très bien joué par Michel Piccoli. Ah, je trouve excellent dans ce film. Mais oui, là pour le coup c'est vraiment un copier-coller. Le film Running Man, pas le Ouais, clairement. Pour la durée du jeu, c'est différent dans toutes les versions puisque c'est une semaine dans la nouvelle de Sheckley, 4 heures dans le film de Boisset, un mois chez King et 3 heures dans le film avec Schwarzenegger. Mais encore une fois, on remarque quand même une forte similitude entre le film de Boisset et le film de Schwarzenegger. Ça se compte en heures, et les autres se comptent en jours. La spécificité pour... on va faire un peu un comparatif des quatre. Le film Running Man est le seul dans lequel le héros n'est pas un type ordinaire. Dans les trois autres, c'est un kidam moyen, en fait. Et dans les deux versions du prix du danger, c'est un kidam moyen qui le fait pour la gloire, à la base. Ce qui est une thématique très différente dans le prix du danger par rapport à Running Man, où il le fait par obligation financière. Le film de Boisset introduit déjà quelque chose qui n'est pas dans la nouvelle, mais qu'on retrouve pour le coup autant dans le roman que dans le film, qui est toute l'idée de la connexion avec le politique, puisque le personnage du patron de la chaîne, qui est joué par Bruno Kremer, il dit déjà que Running Man, le gouvernement, que ce soit légal ou non, de tuer des gens, bah, le gouvernement il dira oui parce que c'est une soupape en fait pour évacuer la violence du peuple. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette scène que je trouve très intéressante du casting dans le film Le Prix du Danger, et qu'on retrouvera un peu dans le casting de Running Man, où notamment il refuse un candidat noir en se disant non là on va nous accuser de racisme, oui. ça va faire baisser les audiences si on tue. Toute la séquence du casting est sympa. Ouais. Enfin, intéressant. Donc voilà, donc à la sortie du film Running Man, Boissé va se dire que quand même il y a des fortes similitudes entre son film et le film de Michael Glazer, d'autant plus qu'apparemment comme lui et son producteur croyaient à une possible carrière internationale pour Le Prix du Danger, ils avaient envoyé des copies à des studios hollywoodiens. Donc ils avaient des... potentiellement c'était vraiment possible qu'il ait été vu. Mais le même à titre international le film. Oui. Oui, bah, qui reprend le titre de la nouvelle de Shakley, c'est The Price of Peril. Et bah voilà, donc les points communs, c'est la durée du jeu, toute l'ambiance du plateau, qui pour le coup est vraiment très similaire. Les tueurs personnalisés, même s'ils sont 10 fois plus extravagants dans The Running Man. Et la mise en avant de l'existence d'un réseau de résistance qui est beaucoup plus évoqué chez King quand même. On voit juste un membre, enfin deux membres, mais qui tiennent pas longtemps. Donc, bah, c'est un peu léger peut-être, mais en octobre 88, Yves Boissé gagne devant le tribunal de grande instance de Paris. Ce jugement est cassé par la cour d'appel en juillet 90, qui estime que seule l'idée générale du film de Boissé est reprise dans Running Man. Boissé amène l'affaire devant la cour de cassation qui annule le jugement de la cour d'appel en 92, ce qui entraîne un nouveau jugement en cour d'appel, qui cette fois-ci valide le jugement du tribunal de grande instance. Et donc, la production de Running Man est condamnée à payer 1 million de francs de dommages et intérêts à Yves Boissé, ce qui, selon lui, couvre les frais de justice engagés. Donc, financièrement, c'est une affaire nulle, plus ou moins. Mais il se félicite de la victoire morale que ça constitue. Et donc, bah, avant de se lancer dans notre avis sur Running Man, on peut placer un mot sur le film de Boissé, tant mieux. Déjà, on peut dire que, pour moi, c'est impossible que l'équipe derrière Running Man n'ait pas vu Le Prix du Danger et ne s'en soit pas inspiré, c'est impossible. Je pense, ouais. Les similitudes, surtout tous les passages plateau-télé, les similitudes sont beaucoup trop énormes. Oui. Pour que ça ne soit que du simple hasard, c'est pas possible. Le personnage de Piccoli et... enfin voilà. Déjà le personnage de... C'est Kyrian du coup qui s'appelle Running Man, déjà il n'a rien à voir avec celui de Kyrian dans le roman. Oui. C'est vraiment, ils ont pris le personnage de Piccoli, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment pour le coup. C'est vraiment le présentateur ultra joyeux qui fait des pubs. Bah, qui fait des pubs sur le plateau, qui sont d'ailleurs très très drôles souvent dans Le Prix du Danger. Voilà. Ouais, là, clairement, clairement une grosse reprise. Après, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de plagiat étant donné qu'il y a quand même de grosses différences? Non, peut-être pas plagiat, mais clairement, ça paraît. Enfin, c'est pas possible qu'il ne l'ait pas vu et que du coup, il s'en soit pas inspiré. Ouais, ça me surprendrait beaucoup. Ouais. Mais sinon, mis à part ça, Le Prix du Danger, c'est un excellent film. Clairement, c'est un excellent film de SF quand même. Oui, c'est ça. Pour la thématique que ça aborde, surtout à l'époque. Parce que du coup, c'est très avant-gardiste. Encore plus que ce que l'est finalement Running Man au final, la version avec Schwarzy, je veux dire. Oui. Donc oui, c'est un excellent film. Le casting est top. Ouais. Bah, j'aime bien Yves Boissé, ça a toujours été un réalisateur... Enfin, toujours, j'ai pas vu tous ses films. C'est un réalisateur qui a fait régulièrement des films assez engagés et assez énervés envers... les travers de la société. C'est lui qui est derrière le juge Fayard, aussi, Dupont-la-Joie, oui. qui est vachement bien Dupont-la-Joie, et on sent tout ce côté engagé avec les discours notamment de Kremer dans le film. Il rajoute la scène de procès où une opposante au Prix du Danger essaie de faire annuler le jeu, se disant que c'est en train d'abuser des lois. J'aime bien qu'il développe cet aspect-là. J'aime bien aussi qu'il reprenne l'idée d'un héros qui en fait au début veut juste la gloire et qu'il met vraiment une évolution à ce niveau-là. Et super musique de Vladimir Kosma. Oui, clairement. Et oui, c'est un film qui critique clairement la société dans laquelle il vit, qui se projette dans la société dans laquelle il va vivre. Oui. Tout ça. Et à mon avis, très probablement, le tout premier drapeau LGBT qui apparaît dans un film pour la première fois dans toute l'histoire du cinéma. Ah, je l'ai pas noté, il est où? Il est à un moment, t'as le mec qui dirige la caméra. Ouais. Il a les bretelles. Et les bretelles, c'est le drapeau LGBT. D'accord. Et c'est volontaire, je pense. Hein. Vu que le drapeau LGBT, je me suis renseigné la dernière, le drapeau LGBT a été inventé 2 ans avant le prix du monde. D'accord. Ouais. Donc, c'est pas impossible. Connaissant le côté avant-gardiste et surtout très. Très représentation, tout ça, du cinéaste, je pense qu'il y a des chances que ça soit volontaire. Ouais, oui, c'est possible. De Boisset, ça me surprendrait pas. Je sais pas quel est son avis exact sur ces questions, mais. Mais globalement, c'est un réalisateur que j'incite à découvrir. Oui, clairement. Ce que j'ai vu est vraiment cool. Mm. Parfois assez dur. Le prix du danger, ça va, mais vu qu'on la voit, il est dur. Ouais. Le prix du danger, c'est quand même très. Oui, oui. Mais voilà. C'est un très bon réalisateur. C'est ce que je déteste, c'est le début des emmerdements. Envoyez le stock. Fixez sur la mémoire numérique. Déclenchez le transfert image vidéo. Tony, t'as intérêt à ce que ça marche si tu veux pas finir en image numérique. Ne vous en faites pas, Damon. Je charge l'image de Richard dans la base de données. Une fois que son double sera dans le décor, vous ne verrez pas la différence. Allez les mecs, faites-nous votre numéro. Fantastique! Alors ça, c'est du boulot. Et donc voilà, on va pouvoir en venir à notre avis sur cette fois-ci The Running Man. Et je t'écoute. C'est un film sympathique qui doit beaucoup de sa sympathie que j'ai envers lui, et à mon avis c'est pareil pour toi, pour tout son côté série B... un cache-quin univers totalement frappadingue. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour lui, parce que concrètement c'est pas non plus un film extraordinaire. C'est un film qui quand même commence un peu à vieillir. Forcément pour l'avoir revu pour l'émission, ça commence à devenir dur de s'en cacher. Le film commence à vieillir, que ce soit dans son visuel. Visuellement les méchants, on est en plein vraiment délire catch. T'évoquais Ken le survivant, je crois. Oui. Ouais, il y a un peu de ça, hein, vraiment. Ils ont aucun sens, les méchants. Là. Clairement. Le film commence à vieillir, mais il a toujours ce petit cachet, série B, qui, moi, que j'affectionne beaucoup. Et puis, par contre, lui, Schwarzenegger, il est intemporel, forcément. Il a quand même une sacrée prestance. Hein. Même si l'ensemble du casting. Lui, quand même, il en a posé. Ah bah oui, ça, à l'époque, il était ultra charismatique. Hein, pour moi, il a pas volé son succès, Schwarzenegger. Au début du film, il apparaît avec un bouc moustache qui lui va à la perfection. Et c'est limite dommage qu'il rase tout, en début de film. Parce que tu fais, mais ça te va trop bien, pourquoi t'as coupé tout ça? Ça lui donne un petit côté Astérix. Astérix avec Schwarzenegger, qu'est-ce que ça aurait été? Non, en fait, il aurait fallu prendre Stallone, qui est un peu plus petit en Astérix, et Schwarzenegger en Obélix. N'importe quoi. Mais donc oui, c'est un film sympathique, assez divertissant, bon, qui commence à souffrir, comme je l'ai dit, de son âge et de certains stéréotypes. Mais qui quand même, même si sans l'inspiration... du danger, lui aussi amène des thématiques intéressantes. Donc on en a parlé toute la fin avec le changement de visage sur les corps, qui aujourd'hui, comment ça s'appelle cette technologie? Le deepfake. Voilà, aujourd'hui ça fait penser à du deepfake en fait, tout simplement. C'est la technologie qu'on emploie aujourd'hui et qui du coup est pointée du doigt pour créer. On se dit, regardez toutes les fake news qu'on pourrait créer avec une technologie comme ça en fait. Ah oui, c'est ça, tout ce qui est autour de la manipulation d'images, du montage et des fakes est très très actuel pour le coup. Oui. Il y a des points du film qu'on vieillit, mais ceux-là ils marchent encore très bien, je trouve. C'est d'ailleurs, D'Souza regrette, parce qu'à la base, son intention dans le montage, dans l'ordre du montage, c'était que la scène où on apprend que c'est un deepfake, elle vienne après la scène en elle-même, et que donc on ait cette espèce de moment de choc où on a l'impression que le héros vient mourir avant de revenir sur le studio de montage. Et effectivement, ça aurait été plus frappant comme ça. Et apparemment, ça n'a pas été fait, parce qu'il y a certains spectateurs qui se disaient choqués en projection test. De voir Schwarzenegger mourir. Enfin, de penser voir le personnage de Schwarzenegger mourir. Ouais, c'est ça. Comme quoi, les projections test, trop écouté. Donc, genre spectateur choqué, absurde, j'ai oublié de le préciser pour le dernier épisode. Mais dans The Mist, le showrunner a dû se justifier d'une scène auprès des spectateurs. Tu sais, c'est quoi ? Non. Une scène dans toute la série hein, qui a choqué. La mort du chien. Ah ! Il y a les enfants qui meurent, il y a... Mais dans la mort du chien. C'est secondaire, ça. Oui. Voilà, c'était une parenthèse sur The Mist. Donc ouais, c'est un film qui sent bon l'époque. Quand on aime les actionneurs, pas forcément tous géniaux de l'époque, mais plutôt fun, plutôt pas prise de tête. Ouais, le film a un truc, comme je disais, la musique elle est cool. Les punchlines, elles fonctionnent, pour le coup. C'est plutôt bien écrit. Ouais, la VF est bien, parce que je l'ai revu en VF. Moi aussi, je n'ai pas de voilà, de c'est ça, c'est un peu pareil pour moi. Et on avait des sacrés doubleurs et des sacrés traducteurs qui font vraiment bien le taf, quoi. Oui. C'est vrai que Schwarzenegger, ça fait partie de ces... un peu Stallone, finalement. Ça fait partie de ces acteurs où je suis plus familier de leur voix française, alors que maintenant, je regarde leurs films en VO. Mais des trucs de jeunesse qui sont restés de leur voix française. Oui, il y a toujours dans un film tâté. Ouais. Donc voilà, il a une vraie aura de sympathie, même si, clairement, comparé à plein d'autres films cultes de cette époque, la réalisation, elle tient pas le niveau. Oui. Effectivement, Michael Glazer, tu le compares à McTiernan et à d'autres, bah, il fait un taf qui est vraiment pas ouf. Ah, c'est un peu classique, quoi. Ouais. Il n'y a pas la magie que tu peux trouver chez un McTiernan, avec des fois des plans connus, des trouvailles de réalisation, quoi. Ouais, et on sent qu'effectivement il a dû débarquer au dernier moment sur le tournage et pas pouvoir... Oui, clairement ça n'a pas aidé. Ça aide pas non plus. Au final, des fois, le film, j'aurais vraiment pas pensé qu'il avait autant que 27 millions de budget. Je pensais qu'il avait moins. Mmh. C'est notamment le décor de... Bah, le circuit où se passe Running Man, il fait un peu des charges quand même sur les morts. C'est un petit peu dégueulasse. Hein. Ouais. C'est un terrain vague sur lequel on a lancé de la merde, tu vois. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Le film est totalement différent du roman, pour le coup. Ah oui, là. Et vraiment du début à la fin. Bon, en fait, il reprend le concept de base des noms de perso. C'est tout. Ouais. Et ouais, ça s'arrête à peu près là. Parce que là, du coup, c'est un prisonnier qu'on balance dans le Running Man. Là, même, il me semble qu'on explique qu'à chaque fois, c'est des prisonniers ou des gens suspectés d'être contre le régime. Ouais, c'est ça. Alors que dans le roman, aussi dans le Prix du Danger, c'est des candidats qui se portent volontaires pour le faire. Mm-hmm. Le film Running Man se termine bien. Ouais. Oui, ça c'est la seule des quatre versions à terminer. Enfin, quatre versions. Quand on est Prix du Danger. Et voilà. Le régime est renversé. Tout va bien. C'est limite. C'est bon, là, on respire. Le héros chope la nana, tout se passe bien. Oh, là, cette fin est tellement cringe en plus quand tu réfléchis. Parce que il est là, il la contient, il l'embrasse. Et pendant ce temps-là, la caméra filme et donc tout le monde va dire ouais. Tu dis, mais c'est cringe, j'ai arrêté. C'était la mode à l'époque. Arrêtez-le. Ouais, la fin. À la fin, ils ont peut-être un peu craqué leur slip. Oui, c'était bien qu'ils finissent bien, quoi. Mmh. Ils durent heureux et ils ont beaucoup d'enfants. Après, l'idée de... Enfin, c'est cohérent, l'idée de D'Souza de devoir totalement changer le background du perso pour pouvoir croire à Schwarzenegger dans ce rôle-là, en fait. Après, ça fait un début qui, quand on se questionne dessus, ne tient pas la route, parce qu'il est militaire donc du régime. C'est difficile de croire que c'est la première fois qu'on lui demande une saloperie du style tiré sur une foule non armée. Donc pourquoi est-ce que cette fois-ci il se révolte? Alors qu'en plus, on voit qu'il est haut gradé. Oui, c'est ça. Du film, quoi, parce que c'est lui qui est à la tête de la squad dans laquelle il se trouve. Voilà, donc... Bah, dans les autres versions, vu que c'est des hommes ordinaires, on peut croire qu'il soit aveugle aux saloperies du régime. Là, par contre, ça tient plus vraiment. Mais comme ils font démarrer ça au milieu de l'action, que ça va vite, au final, je trouve qu'on se pose pas tellement la question dans le feu de l'action. Tu vois. Mmh. Effectivement, c'est quand même une grosse incohérence. Mmh. Mais... Bah voilà, c'est un film, je sais pas si on peut vraiment le recommander, surtout à des spectateurs jeunes d'aujourd'hui qui risqueraient de se concentrer sur le côté effectivement ringard, notamment des méchants. Hein. C'est pas bon. En fait, justement, du coup, peut-être que pour le spectateur plus jeune qui a pas cet œil un peu sympathique envers la série B, peut-être plutôt conseiller du coup le prix du danger en fait. Oui. Qui lui, pour le coup, est plutôt intemporel. Oui, c'est ça. Bah après, il a le rythme des films d'action de français de l'époque, donc ça peut être jugé comme lent, mais effectivement, je pense qu'il a moins pris un coup de vieux que Running Man. La seule chose qui te rappelle l'époque à laquelle il a été doré, ça va être... Enfin, les vêtements même pas, mais uniquement les coupes de cheveux et la gueule des véhicules, quoi, c'est tout. Ouais. Et un peu le plateau télé avec... c'était encore l'époque où les présentateurs faisaient eux-mêmes les pubs. Oui. C'est, on n'avait pas encore les spots. C'est tout un monde. Ouais. Mais oui, du coup, plutôt peut-être conseiller le prix du danger. Ouais, effectivement, ouais. Et je pense qu'il... Bah, technologiquement, Running Man a cet aspect vraiment très intéressant du deepfake, mais je pense que sur le message social et politique, le prix du danger est plus fin que ne l'est Running Man. Mais bon, voilà, ça reste un film pour lequel j'ai réellement beaucoup de sympathie. Oui, c'est un film sympathique, ça. On peut pas lui retirer. Mmh. Est-ce que tu vois les choses à ajouter Non, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne le film. Très bien, bah on va passer à une scène alors. Très bien, un autre choix se porte donc sur la fin des deux œuvres. Donc évidemment, ça va surtout permettre de montrer les différences entre les deux. Dans le roman, nous commençons à partir du chapitre Compte à rebours 4. Donc, Ben Richards a tué tout le monde dans l'avion, mais lui-même est en très piteux état, il est vraiment mourant. Et il amène l'avion vers sa dernière destination pour se venger. Nous lisons l'édition Albin Michel, traduit de l'anglais par Frank Strachitz. Voilà. Je crois, ouais. Ouais, c'était avant qu'il y ait des traducteurs affiliés, ça devait pas mal tourner à l'époque. Avant qu'il y ait des traducteurs qui travaillent vite. Voilà. Et nous sommes à la page 256. Compte à rebours 4. À la radio, une voix nasillarde et inquiète disait « Votre procédure d'approche, c'est 1-9-8-4. Vous êtes trop bas. Répondez, répondez, vous êtes trop bas. Devons-nous assumer le contrôle? Répondez, c'est 1-9. Ta gueule, murmura Richard. » Il commença à ramper vers le tableau de bord. Les pédales se levaient et s'abaissaient à l'unisson. Les manches étaient agitées de petites saccades. Il hurla lorsqu'un nouveau coup de poignard le traversa tout entier. Une boucle de ses intestins était restée accrochée au menton de Holloway. Il changea de direction, alla les libérer, puis se remit à ramper vers les commandes. Ses bras devenaient complètement insensibles. Il resta un moment allongé, le nez dans la moelleuse moquette. Il avait l'impression de flotter en apesanteur. Il se força à se redresser et reprit sa reptation. Le fauteuil de Holloway était aussi haut que l'Everest. Compte à rebours, 3. C'était bien lui, gigantesque et massif, s'élevant dans la nuit au-dessus de la ville, couleur d'albâtre à la lumière de la lune. Richards tourna le manche à balai. L'avion s'inclina vers la gauche si brutalement qu'il faillit être éjecté du fauteuil. Il essaya de corriger, mais alla de nouveau trop loin. Il sentit le plancher partir vers la droite, tandis que l'horizon basculait. Maintenant les pédales. Voilà, nettement mieux. Il poussa très doucement le manche. Devant lui, un cadran passa de 2000 à 1500 en un clin d'œil. Il n'y voyait plus grand-chose, son œil droit était presque aveugle. Bizarre que l'autre ne soit pas touché aussi. Il poussa de nouveau le manche et eut l'impression de flotter. 1500, 1200, 900. Il ramena le manche vers lui. O1984 ! O1984 ! La voix était alarmée maintenant. Répondez ! Que se passe-t-il ? Répondez ! Allons, parle, quoi ça, Richards. Ouah, ouaf, ouaf. Compte à rebours, 2. Lissé brillant comme une flèche de glace, l'immense avion fendait la nuit. Sous lui s'étendait le chaos de Co-op City. Et juste devant lui se dressait le building des jeux. Compte à rebours, 1. Comme soutenu par la main de Dieu, le jet géant franchit le canal dans un rugissement de turbines. Un drogué tapi dans une entrée leva la tête et crut avoir une hallucination. L'ultime vision du camé. La chose venait l'enlever, peut-être pour l'amener au paradis de General Atomics, où l'on mange gratis et où tous les réacteurs sont des surgénérateurs propres. Aux fenêtres et aux portes apparurent des visages, pâles flammes ovales. Des vitres implosèrent. Dans les ruelles étroites, des tourbillons de déchets entamaient une danse de derviches. Un flic laissa tomber son aiguillon, mit les mains sur sa tête et hurla, sans même entendre sa propre voix. Volant de plus en plus bas, l'avion rasait les toits de la ville, pareil à une chauve-souris d'argent. L'aile droite manquait à la colonne des magasins glamour de moins de 3 mètres. D'un bout à l'autre de Harding, les gens fixaient avec angoisse et incrédulité leurs écrans de libertel blanchis par un scintillement de parasites. Un grondement de tonnerre emplit l'univers. Kilian leva les yeux de son dossier. Devant lui, le scintillant panorama urbain de Sauce City à Crescent avait disparu. Un Lockheed Tristar, vu de face, emplissait tout l'espace. Pendant un bref instant d'incrédulité totale et de surprise horrifiée, à la limite de la folie, il aperçut Richards, le visage barbouillé de sang, qui le fixait de ses yeux noirs brûlants comme ceux d'un démon. Richards souriait et le menaçait du doigt. « Jésus !» Ce fut tout ce que Kilian eut le temps de dire. 000. S'inclinant légèrement sur l'aile, le Lockheed frappa le building des jeux de plein fouet. Ses réservoirs étaient encore presque à moitié pleins, sa vitesse était légèrement supérieure à 800 km/h. L'explosion fut prodigieuse. Une pluie de feu s'abattit à des kilomètres à la ronde, illuminant la nuit comme la juste colère d'un dieu courroucé. Et maintenant, j'oserais pas dire la même scène, mais la scène de fin du film. Bonjour, ma petite biche. Tu sais, j'en connais un qui est pas sorti de l'auberge. Ben, t'as un mot à dire à Monsieur Richard ? Alors ? J'ai arrêté la musculation. T'as l'air emmerdé, Ben. Remarque, je vais te dire une chose, ça peut se comprendre. Mais attends, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est que de la télévision, après tout, rien d'autre. Rien à voir avec les gens eux-mêmes. Ce qui importe, c'est l'indice d'écoute. Ça fait 50 ans qu'on leur dit ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent boire, ce qu'ils doivent porter. Ben, nom de Dieu, tu peux pas comprendre ça. Les gens aiment la télévision. Ils élèvent leurs enfants avec. Écoute, tu sais bien qu'ils aiment les jeux télévisés, le catch, ils aiment le sport et la violence. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne seulement ce qu'ils réclament. Nous sommes les premiers aujourd'hui, c'est surtout ça qui compte. Crois-moi, Ben, je fais ce métier depuis plus de 30 ans. Moi, ça fait pas aussi longtemps que toi que je suis dans le show business. Mais j'apprends vite, tu sais. Alors je vais donner au public exactement ce qu'il veut. Oh ! Fumier. ça c'est du spectacle. Très bien, donc par où commencer ? L'imagerie extraordinaire, on l'a dit, du mec qui fixe sa cible du doigt. Ah, j'arrive, ah, tel un des quatre cavaliers de l'apocalypse. C'est extraordinaire comme imagerie. Ouais. Ah oui, non, mais l'imagerie est totalement... va totalement avec l'esprit Bachman. Effectivement, je crois qu'en plus, King l'a dit dans une interview que cette fin-là, c'était plus ou moins une fin heureuse aux yeux de Richard Bachman. Oui, clairement. Comme dit en off, au final, le personnage n'a plus rien à perdre. Oui. Donc, pour lui, c'est une victoire. Et en plus, on peut effectivement supposer que, étant donné que le bâtiment des jeux et le gouvernement sont très liés, que ça met au moins un coup dur au gouvernement que la résistance pourra exploiter derrière. C'est ça. Après, de là à arriver à la fin du film, peut-être quelques étapes qui ont été brûlées quand même. La fin du film, c'est une autre victoire en soi. Pas exactement la même, mais une victoire quand même. Oui, oui, bah, une victoire totale. Pour oui, par contre, le film. Totale, on n'en est pas sûr. Oui. C'est pas plus développé que ça. Oui, il y a tout de même beaucoup l'idée. On a l'impression que tout va aller bien, même si effectivement en soi les militaires peuvent débarquer 5 secondes après la fin et tirer sur tout le monde. Mais j'ai pas l'impression que c'est l'impression sur laquelle on veut nous laisser. Oui, hein, je pense pas. On veut nous faire dire. Et ils vont être heureux, ils vont renverser le gouvernement à eux tout seuls avec Richards qui deviendra un symbole de la résistance. Voilà. Peut-être, en vrai, tu sais pas, peut-être qu'après c'est l'heure du bim. Et qu'il va falloir se mettre en oh, ce référence. Alors je vous laisse chercher ce que c'est l'heure du bim, vous allez tomber sur des trucs extraordinaires et eux aussi peut-être un peu ancrés dans leur époque. Clairement. Maintenant j'ai envie de voir Schwarzenegger chanter Bibi Where are you now. Donc voilà, en même temps, est-ce qu'un film avec Schwarzenegger pouvait mal se terminer à l'époque? Non, c'est ce que j'allais dire, à cette époque, non. Il était devenu un personnage... Aujourd'hui, oui. Maintenant, oui. Rappelons que c'est quand même lui qui a demandé, pour Terminator 2, à ce que le T-800 devienne gentil. Ah oui, c'est une demande de lui à la base? C'était une demande de lui également que le T-800 dans le premier film soit méchant. Enfin, non, c'est pas ça. À la base, lui... Au casting, on lui proposait le rôle de... comment il s'appelle ? Pas Connor, celui qui protège Connor, justement. Ah oui, j'ai oublié son nom. C'était ce rôle-là, à la base, qui lui était proposé. Et lui, justement, pour tordre le cou un peu au Schwarzy gentil, a dit non, moi je veux le rôle du T-800. Mmh. Et sauf qu'après, pour la suite, quand même, il a demandé, maintenant, j'aimerais bien qu'on me remontre gentil. Ouais. C'est moyennement... Le fait que les deux films sont moyennement cohérents, toi, quand même. Bon. Moi, j'aime beaucoup les deux, donc... Toi, c'est un petit peu de mal avec Terminator. Ouais, avec tout Cameron, donc oui, forcément. Ouais. Et bon, oui, voilà, il fallait une fin à la Schwarzenegger, et je pense que ça faisait un peu partie du contrat aussi qu'il arrive à serrer le personnage féminin. Hein, ça. Et ça, clairement. Ah, c'est un tombeur, Schwarzenegger. Ah, puis c'est surtout une constante de l'époque, quoi. Oui. Enfin, si personnage féminin il y avait dans un film, c'était forcément le guitariste. Même ouais. Si, à aucun moment pendant tout le film, il n'y a de moment où on te laisse penser, quoi. Il y en a un peu. Ouais, il y a une vague complicité qui se crée, mais pas à ce point-là, oui. Voilà. C'est, oui, celle-là, ça... Et encore, il y a des films, c'est bien pire. Tu songes à quoi ? J'en ai pas en tête, mais il y a vraiment des films où à aucun moment t'as une relation, et puis à la fin, hop, c'est en balle, quoi. Ouais, c'est vrai, quoi. C'est le côté tombeur, j'imagine. Le côté autrichien. Peut-être aussi. Qui sait ? Peut-être des charmeurs, ces autrichiens. Une vague. Les deux fins font dans l'excès à leur manière. Hein, parce que la fin du roman, elle est aussi très excessive dans son délire. Mais elle est peut-être... j'arrive un peu mieux à y croire que la fin du film. Oui, mais les deux fins collent avec ce que chacune des deux œuvres dépeignent, en fait. Oui. C'est-à-dire la fin du film, même si on a plus de mal à y croire que celle du roman, elle colle bien avec le film. Bah, c'est vrai que vu qu'il a un côté très cool, très léger tout du long, ça aurait fait bizarre tout à coup d'avoir une fin super sombre, avec sacrifice du héros dans une sorte d'acte terroriste extrême. Ça aurait été très bizarre. Ouais. Donc voilà un exemple d'adaptation lointaine, plutôt intéressante, qu'on voulait souligner. Ben voilà. Et je pense qu'on va pouvoir classer. Ben allons-y. Donc, passons au classement des œuvres. Comme d'habitude, c'est moi qui vais m'y coller. Mon collègue Issam s'occupera des classements du film Running Man. Dans les 5 premières positions, nous avons Sagdos, Cimetière, Ça, Charlie et La Part des Ténèbres. Tandis que dans les 5 derniers, nous avons La Pastorale, L'Année du Loup-Garou, Dr. Sleep, Le Cinquième Quart et Grand Chauffeur. Où classer Running Man, moi ? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour moi, ça serait plutôt du roman de milieu de classement, mais plutôt milieu de classement plus, quand même. Oui, qu'est-ce que tu appelles milieu de classement plus ? Normalement, si on suit la description, enfin la signification de milieu de classement, on serait aux alentours de la 20e place. Oui, oui. Mais, quoique, en regardant... Tu commences à être des vraiment bons trucs hein, bah oui. À la 20e place. Déjà, ça serait au-dessus de la 20e place, pour moi. Oui, oui, au-dessus de la caisse, oui. Au-dessus de la caisse, c'est sûr. Je pense que le côté dynamique qui se lit bien me fait placer Running Man, moi, personnellement, au-dessus de La Peau sur les os. Ouais, je suis d'accord. C'est après où ça commence à devenir compliqué. Ouais, j'ai un peu plus de mal, par contre, à le mettre au-dessus de 1408. Ouais. Je pense que là, justement, entre 1408 et La Peau sur les os, serait une bonne place pour Running Man. Le ouais, nouveau 19e. Ça me paraît pas mal. 19e place entre 1408 et La Peau sur les os. Voilà. Je valide. Le nouveau classement. Donc Running Man, 19e entre 1408 et La Peau sur les os. Hop! Et pour les films, nous avons donc 59 œuvres jusqu'à présent, avec aux 5 premières places Carrie de Brian de Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anouak Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Misery de Rob Reiner. Et aux 5 dernières places, un classement qui a été modifié depuis la dernière fois, nous avons The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, The Mist de Christian Thorpe, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Dr. Sleep de Mike Flanagan. Et là, pour le coup, on va quand même remonter oui. Pas mal. Hein. Moi, si j'avais quelque chose à dire, ce serait typiquement le genre de film qui pourrait se mettre aux alentours des Contes de la Nuit Noire, Les Ailes de ouais. la Nuit, ce genre de... Ouais, c'est dans c'est cette zone-là ce que j'aurais été, ouais. C'est les films, les trucs vraiment divertissants et sympathiques. Bah, peut-être justement entre Les Ailes de la Nuit et Darkseid. Ouais, j'aurais pas mis au-dessus des Ailes de la Nuit, ouais, pareil. Ouais, parce que Les Ailes de la Nuit, il avait vraiment... Des trucs d'ambiance qui fonctionnaient très bien. Et au-dessus, on commence à avoir des trucs qui, niveau ambiance, fonctionnent bien dans les Langoliers à ces moments aussi. Oui. Donc, et plus en dessous, c'est les trucs pas mauvais, mais qui manquent vraiment de pas mal de finition. Ouais. Donc, ça lui donnerait la 18e place, la nouvelle 18e place, entre Les Ailes de la Nuit de Marc Pavia et Darkseid, les Contes de la Nuit Noire. Donc, à un chiffre d'avoir la même position. Oui, effectivement, ouais. Bon, bah, si ça te va, je valide. Donc, 18e place. Ouais. Très bien, donc voilà, c'est une œuvre que nous vous incitons à découvrir dans ces deux versions pour deux expériences assez différentes. Et du coup, nous allons procéder. Et du coup, également, le prix du danger. Et également, le prix du danger, effectivement. Ouais, donc, d'une pierre deux coups. C'est ça. Et nous allons nous procéder au tirage au sort pour la rentrée. Exactement. Pour voir ce qui nous attend. Le tirage au sort. Est-ce que le tirage au sort va être gentil avec nous aujourd'hui ? J'ai un papier pour savoir ce sur quoi on reprendra. Ah. Est-ce que tu as les mains moites ? Nous allons reprendre sur 1922, réalisé par Zach Ilditch, adapté d'une des longues nouvelles de Nuit Noire, Étoile Morte. Je n'ai pas vu le film. Qui est du coup un film Netflix. C'est ça. C'est donc à moi de tirer au sort. Vais-je avoir la main plus sympathique que la dernière fois ? Parce que la dernière fois j'avais tiré The Mist. Ouais. J'avais tiré cette horrible série télé. J'ai un petit papier. Je rends le chapeau à Issam. Alors, j'ai tiré. Nous n'allons pas devoir reparler du roman, même si c'est un roman excellemment bien classé dans notre classement. Mais nous allons parler de ça, il est revenu, de Tommy Lee Wallace, le téléfilm des années 80. Elle est violente la rentrée quand même là. Un téléfilm qui pour beaucoup a beaucoup de nostalgie aimante, mais qui a quand même pris un sacré coup de vieux, il faut le dire. Ah ouais. Mais je suis prêt à parier qu'il sera mieux classé que le ça de... De Muschietti. De Muschietti. On en débattra le moment où. Faut que je le revoie de toute façon. Faut que je le revoie. Bah voilà, donc on se retrouve à la rentrée. C'est ouf, on n'a toujours eu aucun des Shining. C'est vrai. Mais à un moment qu'on n'a pas eu le démon du Maïs aussi. Oui. On a encore esquivé des sacrés gros pavés. Hein. On n'a toujours pas tiré les Tommy Knockers. Ouais, les Tommy Knockers et 22 en 63 aussi. Oui. Tommy Knockers, bah déjà c'est mauvais. Ouais. Alors, en plus, il faudrait que je le relise parce qu'effectivement, je m'en souviens pas bien des Tommy Knockers vu que c'est pas très bien. Oui, et puis c'est un sacré. C'est quoi c'est... Ça a facilement plus de 1000 pages. Oh, je crois pas, non, c'est qu'il paraît long. Mais... Ah mais il est pas à ce point-là, je crois. Je sais plus les Tommy Knockers, mais ouais, c'est quand même long. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en attendant. Arrobas cinéma archiviste pour toi, arrobas chris-6 loststales pour moi. Vous pouvez nous retrouver dans un autre podcast, La 9e Dimension, consacré à la BD de toute origine avec aussi Necronomicor. L'épisode sur Spirale, l'épisode 2, sera sorti à l'heure où vous entendrez nos voix. Ouais, à mon avis, et donc on aura déjà annoncé le sujet du suivant, vu qu'on l'annonce à la fin. Oui. Donc ce sera Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, on met tous les liens nécessaires dans les descriptions de toute façon. Et en attendant... N'oubliez pas que le vidéoclub de Casablanca est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. A plus. Salut.